la mesure de mes talents ainsi fixée, l'état qui me convenait ainsi désigné, il ne fut plus question, pour la seconde fois, que de remplir ma vocation. La difficulté fut que je n'avais pas fait mes études, et que je ne savais même pas assez de latin pour être prêtre. Madame de Varan imagina de me faire instruire au séminaire pendant quelque temps. Elle en parla au supérieur. C'était un lazariste, appelé M. Gros, bon petit homme, à moitié borgne, maigre, grison, le plus spirituel et le moins pédant lazariste que j'ai connu. Ce qui n'est pas beaucoup dire, à la vérité. Il venait quelquefois chez maman, qui l'accueillait, le caressait, l'agaçait même, et se faisait quelquefois lasser par lui, emploi dont il se chargeait assez volontiers. Tandis qu'il était en fonction, elle courait par la chambre de côté et d'autre, faisant tantôt ceci, tantôt cela. Tiré par le lacet, monsieur le supérieur suivait en grondant et disant à tout moment « Mais madame, tenez-vous donc !» Cela faisait un sujet assez pittoresque. Monsieur Gros se prêta de bon cœur au projet de maman. Il se contenta d'une pension très modique et se chargea de l'instruction. Il ne fut question que du consentement de l'évêque qui, non seulement l'accorda, mais qui voulut payer la pension. Il permit aussi que je restasse un habit laïque jusqu'à ce qu'on pût juger, par un essai, du succès qu'on devait espérer. Quel changement ! Il fallut m'y soumettre. J'allais au séminaire comme j'aurais été au supplice. La triste maison qu'un séminaire, surtout pour qui sort de celle d'une aimable femme. J'y portais un seul livre que j'avais prié maman de me prêter et qui me fut d'une grande ressource. On ne devinera pas quelle sorte de livre c'était. Un livre de musique. Parmi les talents qu'elle avait cultivés, la musique n'avait pas été oubliée. Elle avait de la voix, chantait passablement et jouait un peu du clavecin. Elle avait eu la complaisance de me donner quelques leçons de chant. Il fallut commencer de loin, car à peine savais-je la musique de nos psaumes. 8 ou 10 leçons de femme, et fort interrompues, loin de me mettre en état de solfiller, ne m'apprirent pas le quart des signes de la musique. Cependant, j'avais une telle passion pour cet art que je voulus essayer de m'exercer seul. Le livre que j'emportais n'était pas même des plus faciles. C'était les cantates de Clérambault. On concevra quelle fut mon application et mon obstination quand je dirai que sans connaître ni transposition ni quantité, je parvins à déchiffrer et chanter sans faute le premier récitatif et le premier air de la cantate d'Alphée et Arétus. Il est vrai que cet air est scandé si juste qu'il ne faut que réciter les vers avec leur mesure pour y mettre celle de l'air.